Force ennemie, troisième partie, chapitre 1. Comment, c'est toi ? Me dit mon frère. J'allais partir ce soir même pour Vasseto, ne recevant pas de réponse à mes dernières lettres adressées au docteur Froin. Une femme de chambre, visiblement interloquée par mon apparence bizarre et peu soignée, mais plus impressionnée encore, en apprenant que je suis le frère de monsieur, vient de m'introduire dans un petit salon japonais, à moins qu'il ne soit turco-arabe. Non, il est plutôt hindou, mais il y a de tout là-dedans, des kakemonos, des lacs, des lustres de mosquées, des tables basses pour prendre le kawa, des meubles du Travancore, des pankas, un tapis d'Amritsir, des armes de Hyderabad, des tatis de vétiver aux fenêtres. Et combien de choses encore. C'est toujours le bric-à-brac familier encombrant la pièce assez exiguë. Il faut prendre garde à ses genoux. Et si l'on a envie de s'étirer les membres, il est préférable d'aller le faire dehors. Mon frère, qui écrivait, assis devant une petite table de teck incrustée d'ivoire et de nacre, se lève, s'exclame, me prend aux épaules et m'embrasse. Un autre gaillard que moi, mon frère, heureusement pour lui, haut d'1,90 m, la face au grand trait encadrée d'une barbe noire grisonnante qui retombe en nappes luisantes sur son gilet. Large d'épaule au point d'être un danger perpétuel pour les suspensions et les étagères, il paraît immense dans ce salon bas de plafond. Il s'écrie encore. « Mon pauvre Philippe, t'avoir encagé les canailles. Mais regarde-moi. Je vois que tu n'as rien de ce qu'ils disent. Tel que je te connais, tu as dû te faire une bile noire. Et ce Froin qui m'appelle, puis me donne contre-ordre, puis après cela fait le mort. J'étais fort inquiet. Je serais déjà parti, sans la crainte de gâter encore tes affaires. Mais cette fois, tant pis. J'allais me présenter chez ton Froin et lui transformer un peu les os en castagnettes. » Si franc qu'il soit, Julien ne me dit pas tout. D'une bonté furibonde, c'est le mot, dévouée, prête à donner sa peau pour l'un des siens, ou même pour un simple camarade. Courageux comme on ne l'est plus que dans les plus improbes romans pour jeunes filles, il ne craint rien au monde, absolument rien, que sa femme. Si ma belle-sœur s'est avisée de me juger à ma place dans une maison de fous et de considérer comme blâmable une intervention de son mari dans mes affaires, Julien aura lutté de toutes ses forces pour l'amener à modifier sa manière de voir, mais ne se sera décidé à entreprendre la moindre démarche que le jour où il l'aura converti à son opinion. Je lui raconte aussi brièvement que possible ce qui s'est passé dans l'établissement naguère égayé par les chevauchées de Bidôme et aujourd'hui transformé en succursale de la préfecture de police. J'ai soin de passer sous silence l'installation du belliqueux Kmohoun dans ma pauvre cervelle. Mais j'avoue l'attentat dont Irène a été victime en attribuant ma sauvage brutalité à un accès de folie amoureuse. Je n'étais pas encore guérie à ce moment-là, etc. Ce n'est que lorsque j'ai été certain d'avoir recouvré toute ma raison que j'ai voulu fuir une maison pour moi hantée de souvenirs sinistres. Mon frère m'écoute en se maîtrisant pour ne pas s'emporter. Je crois que si Monsieur Bidôme l'avait eu pour pensionnaire à ma place, le déplorable aliéniste n'aurait pas attendu la semaine dernière pour renoncer à l'équitation. Il n'eût plus jamais rencontré de celle assez douce pour son rable cruellement endommagé. Quand j'ai fini mon court récit, Julien demeure comme partagé entre la perplexité et la colère. Il se tire la barbe, puis ferme les poings, puis, malheureusement, rouvre les doigts. Je dis malheureusement parce que ses doigts se referment à l'instant même sur un trop fragile dossier de chaise dont ils font des margotins. Un peu calmé par cette très légère dépense de force, il me prend par l'oreille et se met à rire un peu nerveusement. « Polisson, gredin, va. Tu sais que je ne suis pas pudibond, mais tu as de ces procédés. Enfin, cela ne me regarde pas et j'aime peu les gens vertueux. Le principal, c'est que tu sois ici. Je vais écrire à ce Lelancier que je t'ai chez moi, que je te garde et que je l'emmielle. Il ne va pas m'envoyer les gendarmes pour te reprendre, n'est-ce pas? Tu ne retourneras à Vassetot que si tu le demandes à genoux, et en pleurant encore. Oh, sois tranquille. Allons, tu es en bonne disposition. Viens déjeuner, tu dois crever de faim. » Je demande d'abord à me laver, à changer de linge, à me brosser. En 10 minutes, c'est fait. Je suis tout à la joie. Le corridor décoré, comme le salon, d'étoffes et d'objets exotiques, encore un vrai bric-à-brac, me paraît beau comme une galerie de palais indiens. Dans la salle à manger claire, des cristaux rient. J'exulte d'être libre, à l'abri chez l'un des miens, pour lequel je ne suis plus une sorte de réprouvé, uniquement intéressant du point de vue médical. Ici, je suis aimé, choyé. Les Lelanciers et les Barouges seraient bien reçus s'ils me parlaient dans cette maison comme ils le faisaient là-bas. Mais voici que mon radieux bonheur s'ennuage. Assise à table et toute sa figure rechignée, contractée par une grimace méchante qui ne peut se traduire que par « j'attends et me vexe ». J'aperçois Adrienne, ma belle-sœur, le type de la femme forte et médiocrement indulgente, de caractère, dirais-je, rêche et de trop virile énergie. Elle a quelque lointaine ressemblance avec la cousine Raoula, qu'elle estime infiniment. Comme l'épouse Rofieux, elle n'a jamais eu tort 5 minutes dans sa vie, est parfaite dans ses relations avec tout son entourage. Oh, oh, l'étonnante, l'effroyable espèce que celle des gens parfaits! Mais sa perfection même attriste, et on lui souhaiterait un tout petit défaut, aimable. Je ne sais pourquoi, et c'est très mal de ma part, elle m'a de tout temps fait penser à ce steamer nommé le frigorifique, spécialement aménagé pour transporter les viandes de la Plata, et dont les cales se maintenaient, même sous l'équateur, à la température de 0. Quand elle me regarde, fût-ce par un jour de canicule, je crois toujours que je vais tousser. Comment mon malheureux frère n'est-il pas devenu phtisique auprès d'elle? Quand il m'est donné d'admirer ses yeux gris, d'un gris de ciel lapon, son profil vaguement junonien, toute sa belle personne ample sans être grosse, grande sans exagération, harmonieuse à sa manière, je deviens tout à coup très jeune, tout petit et repentant de je ne sais combien de méprisables gredineries qu'elle connaissait bien certainement et jugeait comme il convenait avant même que je ne les eusse commises. Ajoutez à cela qu'elle se croit simple et bonne enfant, tout juste digne, sans trop de majesté, pleine de condescendance, et que personne ne lui paraît faire assez de frais pour elle, s'épanouir assez en sa présence. Elle reproche éternellement aux gens d'être guindés, réticents, fermés comme des tombeaux. Ne déploie-t-elle pas toutes ses grâces pour leur plaire? En veine d'amabilité, elle a un petit ton hautainement gaillard, familier mais supérieur, qui tarirait la faconde d'un avocat politicien. J'ai connu des hommes pleins de sang-froid qu'elle avait voulu mettre à leur aise, et qui en gardaient, plusieurs années après, comme une sorte de courbature mentale. Elle regarde fixement son mari qui me précède et lui dit avec une magnanimité peu rassurante. « J'ai horreur de te faire des reproches, mais tu savais que ce matin j'ai eu mal à l'estomac. » Le dos de mon frère se voûte comme sous le poids d'un immense remords. Ses épaules, on dirait plus tombante, semble exprimer une désolation infinie. Je ne me pardonnerais pas mon retard si je n'avais à t'annoncer une nouvelle qui va te faire grand plaisir. Devine qui m'accompagne, qui va déjeuner avec nous. La figure d'Adrienne s'éclaire imperceptiblement. Ma belle-sœur aime à recevoir, ne fût-ce que pour faire briller ses talents de maîtresse de maison, insuffisamment appréciée de mon frère, trop frivole. Très myope et sans coquetterie superflue, elle pose carrément à cheval sur son nez, d'une pureté de dessin et d'une épaisseur toute grecque, un lourd binocle dont les verres ressemblent à de petits godets de cristal. Malgré moi, j'ai fait un pas de côté et me trouve juste derrière mon frère. « Voyons, Julien !» s'écrie Adrienne un peu impatientée. « Que signifie cette plaisanterie? Tu sais bien qu'avec ta hauteur et ta carrure, tu cacherais un groupe équestre s'il te prenait fantaisie de te placer devant. » Mon frère s'efface un peu et j'apparais aux yeux faiblement ravis de sa femme. Le binocle tombe et une expression d'ennui envahit tout le visage d'Adrienne. Néanmoins, toujours femme du monde, elle esquisse un petit sourire de bienvenue si forcé que je regrette presque de n'avoir pas filé sur l'Amérique du Sud comme j'en avais eu, un moment, l'intention. Puis elle me donne une poignée de main qui me voue à de précoces douleurs rhumatismales. J'en ai l'onglet. « Ah, vous avez quitté la campagne. Je suis charmée. » Sa bouche se pince. « Charmée de vous voir en bonne santé. Pauline, un couvert. » Elle réclame ce couvert comme si elle ordonnait à la femme de chambre de m'administrer le knout et me regarde avec un déplaisir de plus en plus marqué. « Mais asseyez-vous donc. C'est charmant de nous faire cette agréable surprise. Mais pourquoi ne nous pas avoir écrit ?» Quoi qu'elle en ait, son ton devient sévère. Je sens bien qu'elle m'examine avec une sorte de dégoût, qu'elle regrette d'avoir ignoré ma venue. Un petit voyage à sa maison de campagne de ville d'Avray l'aurait soustraite à l'obligation de prendre quelques repas, côte à côte avec un fou, peut-être mal guéri. Mon frère, sachant qu'elle ne reviendrait qu'après mon départ, se serait débarrassé de moi le plus vite possible. Je sais, du reste, que c'est sa tactique habituelle quand elle redoute les visites de gens, à ses yeux, tarés, de malchanceux peu présentables, de parents pauvres. je perds le joyeux aplomb reconquis auprès de mon frère, dont l'accueil affectueux m'avait relevé dans ma propre estime. Assis entre Julien et Adrienne, je me vois sur la sellette, coupable, ou en tout cas accusé de quelque chose de vague, mais de déshonorant. Je n'ose plus guère bouger, et mes rares gestes sont en bois. Comme toujours, lorsque je suis intimidé, je souffre de mille petits agacements physiques. J'éprouve des démangeaisons au front, dans le dos et dans tous les membres. Je suis torturé par le chronique Coryza, qui fait des siennes dès que j'ai envie de me bien tenir. Torturé parce que, brusquement, ô paralysante catastrophe, je m'aperçois que je ne sais plus me moucher. Si j'essaie de le faire, je vais être répugnant, odieux, je vais me barbouiller toute la figure, donner des nausées à ma belle-sœur. On ne voudra pas me reprocher ma rusticité, mais les quatre yeux braqués sur moi me diront des choses terribles. J'en resterai accablé de honte, navré à en pleurer, comme un gamin. Je m'entends respirer avec bruit. Je ne veux pourtant pas qu'on s'aperçoive de mon enchifrènement, qui a déjà, maintes fois, encoléré toute ma famille, qui a déjà, trop souvent, fait concevoir à tant d'amis et d'indifférents une piètre opinion de moi. Car c'est comme cela. Nous autres, les pauvres antipathiques, on nous juge fréquemment sur quelques petites misères corporelles qui sont considérées, Dieu sait pourquoi, comme révélatrices d'une tare morale, d'une certaine bassesse de caractère. Je suis sûr qu'Adrienne et même mon frère, si bon et si sincèrement attaché à moi, pensent en ce moment, ou vont penser, si ce garçon ne se mouche pas, c'est qu'il sait parfaitement que ses reniflements nous agacent. N'osant pas se montrer franchement hostile, le mauvais drôle s'ingénie à nous être désagréable sans rien risquer. C'est bien là toujours sa sournoiserie. On se demande ce qu'il est venu faire ici. Il est déplacé partout. Je ne puis pourtant pas leur dire que mon Coryza redeviendra bénin dès que je ne verrai plus ma belle-sœur. Le déjeuner me semble bien long, malgré la bonne humeur de Julien. Il me raconte sa dernière tournée dans le sud de l'Inde, entre Trivandéram et le Cap Comorin. Ses discussions avec un idiot tacildar de village qui refusait de lui louer des éléphants en lui répétant que les Européens inculquaient à ces grosses masses intelligentes des idées par trop subversives. Il est encore ébloui en pensant à la splendeur verte des forêts de là-bas, aux brefs couchants de rubis et de topazes, aux fuyants crépuscules de grenats et d'améthystes, aux belles et calmes nuits de sombres saphirs. Il avait dû laisser sa femme à Mahé, où elle s'ennuyait, mais où elle retrouvait de vagues empreintes de la vie française. On aurait cru qu'elle ne voyageait que pour cela, pour découvrir, dans les contrées les plus fantastiques, des intérieurs d'habitation et des mœurs rappelant lointainement les us et coutumes de la plaine de Colombes ou des plateaux et vallées de Seine-Oise. Adrienne le laisse dire, puis, quand il a fini, expose très froidement son esthétique. « D'abord, je dois dire que j'en ai fini avec les voyages. Depuis 10 ans, du reste, depuis sa première expédition, je n'accompagnais plus mon mari, et je ne sais pas pourquoi je me suis départie de ma prudence l'année dernière, quand il est reparti. Si Julien garde la manie d'explorer l'Orient et l'Extrême-Orient, qu'il la satisfasse, je l'attendrai à Ville-d'Avray ou ici. Dès le début de nos pérégrinations, j'ai pris en horreur les ciels exagérément bleus, la lumière aveuglante, les monstrueuses verdures enfouies, les peuplades affligées de teint peu naturel. Si c'est cela qu'on appelle le beau et le pittoresque, c'est trop beau et trop pittoresque pour moi. Nous sommes nés dans un pays raisonnable, tempéré, où le soleil a de la discrétion et la végétation de la retenue. Il n'y a pas de vrai beau sans mesure, sans une certaine médiocrité, dirait Julien. Eh bien alors, vive le médiocre. Il est anormal, presque inconvenant, qu'une femme pondérée et bien élevée se complaise à des spectacles d'une pompe excessive et barbare. Et je dirai toute ma pensée, au risque de m'attirer des moqueries. Ces pays-là ne sont pas comme il faut. Je suis pris d'une affreuse envie de rire qui me supplicie, me coupe la respiration, me secoue les côtes pendant de longues, de très longues secondes. Oh, Mohon ! Julien paraît atterré de la stupidité de sa femme, de ce crétinisme orné que je ne pouvais supposer aussi compact, massif, monumental. Je parviens toutefois à me maîtriser, non sans avoir été, peut-être, deviné par la sotte mais vaniteuse Adrienne. Et voilà une femme qui passe pour supérieure. Ces supériorités-là sont faites d'aplomb, de bagout et d'une instinctive connaissance du degré de bêtise des interlocuteurs. Cette dernière faculté a souvent été parée du nom de tact. Mais le tact n'est pas infaillible, comme je viens de le voir. Je me sens encore plus mal à l'aise après cette belle sortie d'Adrienne. Je voudrais être à 500 lieues de la salle à manger où est le Pérore et où tout, sauf Julien, me devient hostile. Les meubles de la pièce, eux-mêmes, me reprochent ma présence. Embourgeoisée par ma belle-sœur, ils me demandent ce que je fais là, moi qui ne les ai pas payés, moi qui n'ai pas le droit de me servir d'eux, à peine ai-je celui de les admirer. Les plus insignifiants objets me font d'ignobles farces. Oh, combien Catherine Kent, Child Walker, a raison de parler de la perversité des choses inanimées. Inanimées? La cuillère à sel tombe dans mon assiette, d'où jaillit un léger feu d'artifice de sauce qui tache la nappe. Un bouchon s'introduit, comment? Dans ma poche? Et quand je me décide enfin à obéir aux sollicitations de mon coryza, le maudit morceau de liège apparaît dans mon mouchoir comme un minuscule et hideux poupon en des langes tachées de vin. Et je n'ai pas la présence d'esprit de, vite, le dissimuler. Je le contemple longuement, ahuri et triste. Mon chevalet à couvert roule sous la table. Je le grand tort de me rappeler un fâcheux monologue où il est question d'accidents de ce genre, et le tort le plus grand de le citer en riant bêtement d'un rire forcé. Je saisis, à un coup d'œil de mon frère, qu'il est douloureusement surpris de mon état. Adrienne hausse à peine les épaules et a une petite grimace de mépris. Je suis perdue, noyée. Il m'est impossible de répondre quand on me parle ou je balbutie des âneries incohérentes. Je demande, en regardant la pendule, est-ce qu'elle sonne? Pour dire quelque chose, n'importe quoi. Serait-ce aussi afin qu'une nouvelle absurdité effaça le souvenir des précédentes, fit naître un sujet de conversation capable d'orienter les esprits et les regards vers un point de l'espace autre que celui que j'occupe. Le calcul ne serait pas heureux, car les quatre yeux, parfois les six, quand le lorgnon se met de la partie, se braque de plus en plus fixement sur moi. Je comprends que ma figure prend une expression niaisement enfantine, puis une autre abjectement prétentieuse. Je suis odieux, ignoble. Mahone, qui est mal luné, me répète toutes les 5 minutes. « Ces gens-là savent bien maintenant que tu n'es pas guéri, que tu es fou, fou, fou !» Quel soulagement quand, le café pris, Adrienne s'éclipse pour nous laisser fumer à notre aise, mon frère et moi. Mais je suis vite remis sur le grill. Mon frère paraît inquiet. Il m'examine à la dérobée. Il ne m'adresse que des réflexions banales, cherchant ses mots, s'arrête en cours au milieu d'une phrase. Suivant l'expression des bonnes femmes, il n'a pas la tête à ce qu'il me dit. Bientôt, il se fatigue de dissimuler. « Mon petit Philippe, je ne vais pas tourner comme cela 2 heures autour du pot. Je te crois tout à fait rétabli. Si tu as jamais été ce que les gens de Vasseteau et ces canailles de Roffieux voulaient que tu fusses. Mais il s'est passé quelque chose en toi, entre le moment de ton entrée dans mon bureau et la fin du déjeuner. Avais-tu bu avant de venir, et l'effet de l'alcool ne s'est-il produit, comme il arrive parfois, qu'un assez longtemps après l'ingestion d'un ou plutôt de quelques vénéneux apéritifs? Quand tu as fait ton apparition, tu semblais bien dans ton assiette, mais à table, je retrouvais en toi le petit garçon de 12 ans, qui ne voulait pas aller dîner chez la cousine Pigeon, parce que cette vénérable mais funèbre parente le fourrait toujours entre 2 moines bizarres et inquiétants, dont il avait une peur bleue. Lorsqu'on l'avait amené par le collet chez l'affligeante vieille dame, le Philippe d'alors devenait gâteux pour toute la durée du repas. On ne lui arrachait pas un mot qui ne fût une stupidité, et sa tenue était lamentable. Une fois, on le surprit occupé à se laver les doigts dans sa tasse de café, quelques minutes après avoir énergiquement repoussé le bol rince-bouche dont on l'avait gratifié selon l'usage de ces temps gothiques. Après avoir, hélas, ce qui aggravait sa faute, repoussé le trop ingénieux et balsamique petit appareil, tout contre l'assiette du père Gigouda, son voisin, en murmurant avec politesse « « Merci, mon père, bien obligé, mais je n'en prends jamais. » Malgré ta moustache grisonnante, je t'ai cru tout à l'heure subitement rajeuni de 22 ans. Il ne manquait au tableau que la hure noirâtre, les crocs blancs et le regard en lame de stage du père Bougnassiou, furibard de ce qu'il prenait pour un outrage à son supérieur. « Franchement, as-tu été au café avant de venir ?» « Je ne suis arrivée que trop parfaitement à jeun. »« Alors quoi? Qu'est-ce que tu as ?»« J'aime mieux te le dire tout de suite. Je sais que j'ennuie Adrienne, et sa physionomie juste, mais sévère, me rend malade. »« Et moi qui avais l'intention de te garder avec nous, puis de t'emmener dans l'Inde l'année prochaine. »« Puisque ta femme ne se déplace plus, j'irai dans l'Inde très volontiers avec toi. » Mais quant à rester ici, c'est au-dessus de mes forces. Je tâcherai de te voir tous les jours, mais il faut que je demeure à part, dans un endroit où les dames, comme il faut, n'auront pas accès. » Et Mahone, profitant de ce que je ne pensais plus à lui, me force d'ajouter « Ah, quand tu seras veuf !» Julien ne se fâche pas. Il me considère un moment, sans parler, et je vois que ses yeux, dont l'expression n'est jamais dure, malgré les terribles sourcils et les cils épais qui les font luire d'un éclat un peu farouche, deviennent très doux, d'une douceur qui me fait mal. « Mon pauvre garçon, s'écrie-t-il, ce n'est plus toi. Oh, je ne dis pas du tout que ces imbéciles de Vasto et cette crapule de Rofieux aient eu raison quand ils ont prétendu que tu avais le cerveau atteint. Mais il y a chez toi je ne sais quoi de bizarre, de déroutant. Je vais te faire soigner ici, ici même. Pas de maison de santé, de traitements exaspérants. Je connais des gens qui comprendront que ton affection est purement nerveuse et qui te tireront d'affaire rien qu'en t'imposant une petite discipline mentale, en te traçant un programme de vie nullement sévère, comportant des distractions, des sorties. Comorone m'empêche d'écouter le reste de la phrase. Je crois que mon crâne va éclater. Le Koukrien hurle les tempêtes, mais pour moi seul. Seul je puis entendre le vacarme affreux dont m'affole son abominable explosion de rage. Je vais encore dire une sottise après tant d'autres, mais je ne sais pas m'exprimer de façon plus raisonnable. C'est un vacarme psychique dont nul ne sera épouvanté que moi, mais moi j'en suis ahuri. Je ne perds pas un des mots que Khmorhoun crie, bien qu'il n'en articule aucun. Je n'ai pas la moindre envie, cependant, de les répéter tous ici. Cela roule comme un torrent d'immondices. Je serai forcé d'écrire des pages et des pages où reviendraient des centaines de fois les plus effroyables jurements et les plus révoltantes obscénités. Tout ce débordement d'ordurière se réduit, du reste, à peu près à ceci. Fou, crétin, idiot, agité, tu ne vois pas la gredinerie de ton bandit de frère? Oh, je la connais, celle-là. On ne me la fait pas à moi. Fichons le camp et au galop. On va s'amuser dans cette maison de tolérance. Et tu auras ta sale proxénète de belle-sœur pour exciter contre nous les infects, souteneurs de gardiens qu'on te donnera. Ton frère est un porc breneux, un excrément ambulant, etc. Et j'adoucis beaucoup les termes de Khmorhoune. Joli, oui, joli mon expression de vacarme psychique. Charmante âme de Khmorhoune. J'apaise le Koukrien en lui promettant de très bonne foi que nous ne ferons pas un long séjour dans cet appartement embelli par la présence de la délicieuse et indulgente Adrienne. J'ai, moi-même, peur des trop intelligents médecins dont parle mon frère. Si ces hommes supérieurs allaient découvrir en moi l'âme tchoukrienne et me torturaient longuement et vainement pour m'en débarrasser. Allons, je redeviens fou, et plus fou qu'auparavant. Mais tant pis, je ne veux pas rester ici. J'aime mieux être ingrat envers mon frère. Je m'enfuirai dès aujourd'hui.